Ça fait du bien, hein? Oh! Du petit melon. Ben, je vais finir ma bouchée parce que... Ben oui. Eh bien, je vais t'en prendre une aussi. Oui, ben vas-y, ben mange, oui, vas-y, Félix, voyons, tu manges pas assez. C'est ça, des amandes, c'est plein de protéines. Mange ça, il faut que tu en manges. Félix, faut que tu viennes plus souvent parce ici. Parce que là, t'as pas dîné, puis ça, c'est pas acceptable. C'est bon. C'est bon? Veux-tu des petits légumes, Félix? Mm. Mais c'est toujours bon, hein? Des amandes avec des fruits, c'est un très bon compagnonnage, ça. Oui. Tu peux mettre ça là. M'enlève tes lunettes, tu vas marcher mieux. C'est vrai, hein? Oui. Mais il nous verra plus. C'est le plus beau jour de ma vie. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. En rentrant du marché Jean Talon, Anne et Marc font la connaissance de Félix, le neveu de leur voisine d'en face. Félix aide à transporter les 100 livres de tomates que Anne a achetées pour en faire des conserves. Marc est patient. Quelques crudités, une trempette au curry et un brin de jasette avec leur nouvel ami Félix, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, Félix, toi, t'es très intéressant comme garçon. Oh, d'abord. Mon Dieu, oui, c'est ce qu'on dit. Parce que c'est que... Non, mais t'es sensible, t'es intelligent. Oui. Je viens de te rencontrer, là, mais ça se décode assez vite. Les gens intelligents, on les remarque quand même. On les sent tout de suite. Comme les gens inintelligents, on le sait assez vite aussi. C'est les deux. C'est les deux. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. Ah, Seigneur Dieu du ciel, la vie commence. Hey, la vie commence. Plus que ça. Oui, non, mais j'allais dire... T'as déjà fait l'amour? Non. Ah, ben voyons, c'est... Mais tu parles d'une question indiscrète. On n'a pas à savoir ça, Marc. Mm-hmm. Ben, mais c'est quoi? Oh, là, tu te sens mal à l'aise. Je me sens bien mal. Non, je dis ça, puis tu sais bien... Non, mais et toi, Félix... Marc, as-tu déjà fait l'amour? Ben, moi, j'ai commencé l'année passée. Ben, c'est bon. En vacances. Ça me rassure. Ben là, j'étais comme en vacances, on ne savait plus quoi faire. Puis j'étais détendu, il faisait chaud. Ben, j'étais sur le quai, je regardais le soleil se coucher, puis ça s'est passé. Puis ça se passe souvent comme ça, puis j'ai lu dans des livres que souvent, on voit pas l'orgasme venir. Non, c'est ça, ça arrive subitement. C'est comme un vol d'oiseau, comme un hélico, ça s'en va en Floride, puis ça revient au printemps. Ben, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tu laisses aller, tu laisses voler. Mais toi, Félix, à part d'avoir des orgasmes, t'as un syndrome, toi. Oui, j'ai un syndrome. De la Tourette. De la Tourette. Explique. On le sait ce que c'est, puis on le sait pas tout à fait ce que c'est. Mais non, c'est parce qu'on voit tout, on pense toujours que c'est le gros cliché. Hein, parce que moi, je peux pas penser que... Non. Que t'as un syndrome de quoi que ce soit, que t'as une... Une Tourette ou tout ça. Ben, jamais. Ben non, mais c'est pas juste c'est des tics, en fait. Hein, c'est ben, des en tics. Fait... mais en fait, oui, le syndrome de la Tourette, c'est quand même assez complexe. Oui. Au niveau du diagnostic, donc les critères qui sont établis par le DSM pour le diagnostic. Le DSM. C'est quoi le DSM? Le DSM, mon Dieu. Ça, c'est le livre que j'ai téléchargé parce que j'étais beaucoup trop... comment qu'on appelle ça? Zélé, intéressé, curieux, intelligent, sensible. Ben, tout ces choses-là. En fait, le DSM, c'est la Bible des psychiatres qu'on appelle. Okay. Donc, c'est le livre qui décrit plus les pathologies. Okay. Pathologies, mon Dieu, je suis un psychopathe. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Ben non, je sais. Mais regarde-moi, mon Dieu. Je suis patos, ça y est. Mon Dieu. Puis Anne, je pense qu'on a bien du fun à elle. Mais non, c'est ça. Excuse-nous, c'est correct. Hey, c'est comme... Non, on n'est pas... Excuse-nous. Alors donc, dans le livre des psychiatres... C'est ça. Il y a, dans le fond, le critère pour le syndrome de la Tourette, c'est des tics nerveux. Donc, c'est deux ou trois tics moteurs plus un tic sonore. Donc, le tic moteur, c'est au niveau de la gestuelle, comme claquer des doigts. Okay. Et ça, c'est plus le type de tic sonore qu'on peut avoir. Sérieux, ça m'est déjà arrivé de faire des hou hou comme ça. Et me faire répondre par des chiens dans un stationnement de Canadian Tire. Donc, oui, t'es pas sérieux? Mais oui. Tu faisais ça, t'es sorti de l'auto pour aller... Oui, parce que en fait un tic nerveux, bon, c'est quand même c'est un mouvement ou un son qu'on fait un peu n'importe comment. Puis mais moi j'avais il y en a qui c'est des tics sonores au niveau des cris aussi. Puis des fois je faisais des cris très stridents. Excuse-moi, je veux juste savoir, à quel moment ça c'est arrivé la première fois. Est-ce que ça arrive très jeune? Ben c'est ça. Ça dépend des gens, j'imagine. Oui, ça dépend des gens. Moi je peux vous dire que habituellement le syndrome, les premiers tics apparaissent vers l'âge de 6 ans. Puis ce sont souvent des tics moteurs, donc des tics qui sont pas nécessairement faits avec c'est pas des sons, c'est plus des tics, mettons, des clignements d'yeux, des mouvements de la tête, mouvements du corps, mouvements des bras, des jambes. Donc, toi, t'as été diagnostiqué à 6 ans? En fait, j'ai eu mon premier tic à 6 ans, mais j'ai eu mon diagnostic à 8-9. À 8-9. Ouais. À partir de là, est-ce que c'est exponentiel? Ça devient de plus en plus présent dans ta vie? Est-ce qu'il y a un moment où ça stagne, où ça stabilise, puis tu peux t'en... Guérir, t'en départir ou t'as, en tout cas. On n'en guérit jamais. On n'en guérit jamais. C'est une condition, donc, en fait, c'est un trouble neurologique, donc c'est au niveau neurologique qu'il y a un problème. Je sais que le pic, si on veut, donc le sommet, donc, où le syndrome atteint son paroxysme, si je peux dire un mot compliqué. Mais en tout cas, le moment où c'est le plus intense, c'est vraiment vers le début de l'adolescence, donc 13-14 ans. Ah, oui. C'est là où on a vu pas pour chaque jeune, donc neurotypique, des hormones dans le tapis, bon, les changements, la crise d'adolescence. C'est quoi les moments où ça t'a rendu le... Parce que là, t'as l'air... Oui, j'ai l'air. Non, mais c'est ça, je veux dire, t'es en contrôle, manifestement, oui, oui. Puis t'as l'air... T'es capable d'en parler librement, mm-hmm. t'es capable d'en parler bien, puis avec détachement jusqu'à un certain point, je pense, là, tu sais. Oui. À quel moment ça t'a... Quand et à partir de quand ça t'a rendu malheureux ou que ça t'a... Je te dirais, j'ai commencé à être, j'ai longtemps été malheureux, puis je le suis encore. On est toujours un peu malheureux, mais c'est d'apprendre à vivre avec cette condition. Puis plus on avance dans la vie, plus on comprend que... Tu sais, au secondaire, au primaire, on a beaucoup d'aide de la part des institutions scolaires, donc pour nous aider à cheminer puis à fonctionner normalement. Mais rendu, à l'âge adulte, là, tu te rends compte que, OK, c'est moi, je suis dans la vie, je dois, tu sais, c'est pas une excuse. Là, ça tombe la tourette, ce sera jamais une excuse. Ça va être une chose avec laquelle je dois vivre. Puis il y a des situations aussi où je me rends compte, comme toi, tout le monde me pose la question, as-tu déjà fait l'amour? Non, pas encore. J'étais pas vraiment sérieux. Non, je sais. Tu comprends, mais c'est parce qu'on est un petit peu déviants ici. Toi aussi, j'imagine, on a ses déviances. On va arrêter de se cacher. Ben non, c'est ça. Assumons-nous avec nos déviances. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, mais j'ai de la misère avec au niveau des relations de proximité parce que le syndrome de la Tourette m'a occasionné souvent beaucoup de rejet, beaucoup d'exclusion. Ouais, puis d'intimidation. D'intimidation également. Par ignorance. Est-ce que les professeurs, quand tu étais à la petite école, par exemple, quand tu as été diagnostiquée, bon, évidemment, tes professeurs étaient au courant. Est-ce qu'ils en parlaient aux autres élèves? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Mais tu sais, c'est quand même stigmatisant aussi de prendre un élève dans une classe et de dire, bon, tel élève, c'est mon Tourette. Quoi que tu fasses, c'est sûr. Moi, quand on pouvait me regarder croche, ou même, j'ai commencé des fois, moi, je décodais pas la même chose que tout le monde. Alors, j'avais tendance à des fois répondre d'une façon quand même pas nécessairement la plus adéquate. Si on me regarde comme ça. Ben, puis tu sais, vous ne pas pour un... Ben, c'est ça, tu sais. Je te regarde avec un air de déviant, mais tu vas te sentir interpellé. Mais au primaire, les jeunes n'ont pas nécessairement la maturité non plus de comprendre que c'est pas de ma faute. Ouais. Fait que ça fait des flamèches, puis ces flamèches-là font que j'ai de la misère à être proche des gens, à être inclus. Même chose au secondaire. Parce que cette exclusion-là, veux pas, ça te fait sentir un peu comme, Ron Fournier au Parlement. Tu sais, c'est pas, ça sonne bizarre. Mais. J'aime ça. Ben oui, Ron Fournier au Parlement. Il va y avoir un moment où mon filtre dans ma tête va faire défaut, puis il va y avoir comme quelque chose qui va sortir de ma bouche. Pouf, OK, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Puis là, j'ai fait un malaise. Mais est-ce que tu dis ce que tu penses? Je dis ce que je pense le plus souvent possible. Mais les gens sont au courant dans un groupe, tu vas... Je vais le dire. Tu vas le dire. Oui. Mais il faut apprendre à bien se situer, à bien se percevoir comme personne normale qui vit avec le syndrome de la Tourette et non comme Gilles de la Tourette qui vit dans un monde normal. Toi, mis à part les tics ou les tocs ou les trucs moins, ce qui est le plus... ce qui est la chose... l'espèce de... La comorbidité principale. Oui, c'est que ça. Tu vas l'impulsivité. L'impulsivité va te faire dire des choses que tu vas regretter. Va te faire insulter des gens, va te faire faire des choses. C'est au-delà de juste des obsessions anodines ou quotidiennes. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je ne vais pas insulter de la même façon que j'insultais avant non plus. Tu sais, c'est juste des commentaires ou d'une façon où je vais le dire, j'ai essayé de le dire d'une façon que moi, je vais trouver qui va bien passer, mais finalement, ça va mal passer. Comment on va passer, c'était fucking laid, en riant puis en ayant l'air un peu. Ouais. Mais finalement, la personne a fait comme, oh, OK, non, ça, c'est méchant. Puis je vois dans son visage que ça fasse chance, puis là, je fais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que j'ai pas réalisé ce que je disais? Dans ma tête, ça allait faire rire, ça allait bien passer, mais non. Cette impulsivité-là m'a pas permis ça, puis là, c'est là que ça devient un drame, puis un drame, c'est pas un drame. On n'est pas dans Yamaska non plus, mais... Non, c'est vrai qu'à l'échelle des drames, Yamaska, on dira pas ce qu'on veut. C'est fini, Yamaska. Il va en avoir un autre qui va pousser. Ben oui, probablement Sorel ou Arthabasca. Ou la rivière Wallonish. Puis là, tu fais quoi, là? Tu t'étudies encore? Ou oui. T'étudies en quoi? J'ai fait ça, je suis aux études présentement en technique d'intervention en loisirs. Ah oui? Oui. Toute ma scolarité, on pensait que je n'arriverais pas à avoir mon diplôme d'études secondaires. Et non, je l'ai eu quand même, j'étais content. Okay, puis, j'ai allé au cégep en intervention en loisirs. Donc, technique d'intervention en loisirs, c'est un programme qui apprend tout ce qui est en lien avec le loisir. Donc, les jeux, l'animation, l'organisation d'événements. Bon, mettons, je vais donner un exemple. J'étais sur un événement dans une école primaire cette année. Puis, on organisait une journée d'activité pour des élèves de 5e et 6e année sous le thème des bûcherons. Donc, c'est pas un thème qui est quand même mieux. Mais là puis moi, j'étais responsable de la thématique. Puis, quand c'est question de thématique, j'ai des bonnes idées. Fait que j'étais comme, OK, ça va être les humains contre les castors dans une compétition internationale de bûcherons. Là, les castors font faire voter une nouvelle loi, plus le droit d'utiliser des chainsaws pour couper du bois. Fait que là, les humains doivent persévérer puis vaincre les castors dans une compétition. Mais c'est ça. Fait que là, ça y a une place à plein d'activités. OK. Puis, moi, c'est ça ma job, c'est de trouver. Puis toi, t'aimerais ça travailler dans un milieu, par exemple, évidemment, faire ça de ma vie. Mais dans n'importe quel milieu. Moi, je suis à l'aise. Moi, tout ce qui a rapport avec le loisir où je peux organiser puis avoir des idées puis mettre ça un peu. Moi, je suis bien à l'aise, mais je suis pas fermé à rien. Là. Mais fais-tu de la musique? T'aimerais-tu ça faire de la J'aimerais musique? J'aimerais ça faire de la musique. J'ai toujours aimé ça. Oui. Mais une des problématiques, justement, de secondaire tourette, c'est au niveau de l'habileté motrice. Là, moi, j'essaie de jouer de la guitare. Pour vrai, mes doigts claquent tout le temps. T'as les doigts qui claquent. J'ai les doigts qui claquent. J'ai les dents qui claquent aussi. OK. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je travaillais dans les camps de jour aussi l'été. Mon premier été, j'étais stressé à mon évaluation, que je claquais des dents. Puis là, il fallait que j'en aie un rassemblement. T'avais 80 enfants devant moi. Puis là, j'étais comme, OK, boum! Puis là, je claquais des dents pendant que les jeunes répétaient. Puis là, j'étais comme, boum, chica boum! Tu sais, puis là, c'est saccadé de tics nerveux. Ça fait 6 ans que je travaille dans les camps de jour. Ça va être mon 7e été cet été. Donc, avec des enfants, justement, de 5 à 12 ans. Ah oui, j'avais une espèce de pantin, tu sais, comme les marionnettes avec des fils. J'avais un visuel. Je leur expliquais, mais regardez, le pantin, c'est moi. Et ma main, c'est le syndrome de la tourette. Et donc, quand je bouge ma main, quand la main bouge, donc quand le syndrome de la tourette décide des choses, le pantin suit. Donc, j'ai dit, moi, dans le fond, je suis un peu comme le pantin. Fait que, c'est mon exemple visuel. C'est donc bien. C'est ça. Oui, puis les jeunes ont trouvé ça beau. Puis les jeunes voulaient jouer avec, puis ils comprenaient. Puis là, j'étais convaincu, ils n'avaient pas hâte de claquer des dents, claquer des doigts en même temps. Là, ils s'amusaient à essayer de m'imiter. J'étais comme. Fait qu'on a des beaux étés comme ça. Puis, moi, je me dis, tu sais, moi, dans la vie, j'ai eu de la chance. C'est comme, malgré que je vivais avec les syndromes de Tourette, j'ai quand même eu de la chance. T'sais. J'ai eu la chance de vivre dans une famille qui m'aimait, qui m'encadrait. J'ai vécu des choses difficiles comme tous les enfants. Puis peut-être que certains enfants ont vécu des choses autre chose difficile qui n'était pas en lien avec les syndromes de Tourette. Moi, c'est ça ma bête noire dans la vie. Oui, évidemment. Ouais. Tu sais, YOLO, tu sais, on vit pareil, là, c'est pas. Non, c'est sûr, c'est bien sûr. Tu sais, il y a des moments où justement, ce que je fais est peut-être plus difficile, mais je suis capable par l'humour, par la bonne humeur, tu sais, d'aller chercher les gens. Quelqu'un qui va voir quelqu'un qui est très intensément de bonne humeur, ça va veut pas avoir un impact sur le reste d'un groupe. Et quelqu'un qui est extrêmement de mauvaise humeur, ça va avoir aussi un impact sur le reste du groupe. Fait que moi, sachant que je suis intense, mais je m'efforce pour avoir un impact positif donc sur les autres. Fait que de ça, ça pardonne pas, mais ça aide les gens à comme apaiser un peu ce que je peux avoir dit. T'es très hot parce que c'est juste quand t'as dit tantôt, je peux pas tout mettre non plus sur le compte de cette maladie-là. Ouais. Je peux pas me dédouaner à chaque fois que je dis quelque chose qui va déplaire, puis tout ça, pour dire, ben, qu'est-ce que c'est pas de ma faute, fallait que je le dise. Puis tout ça, t'es rendu à. En tout cas, qui suis-je pour. Mais t'as une maturité incroyable, tu sais, puis un recul sur ce que. T'es vraiment impressionnant, pas vrai? Je fais suis vraiment. Ce que t'as à faire. Ouais, c'est ça. Tu fais, t'étudies, tu veux, ouais, tu veux cool, faire c'est... ce métier. Moi, je suis vraiment. Je trouve ça formidable parce que on se tue à dire ça à nos enfants, rêver. Ouais. Puis ça arrive ça nous est arrivé à chacun de nous quand on était plus petit de rêver, de faire quelque chose, puis de se faire dire, ben non, compte tenu de ça, tu pourras pas. Vise moins haut, puis tu vas arriver à être heureux. Mais j'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée de faire ça. Puis je te regarde, puis t'es un modèle pour bien du monde. Ben merci. Ouais. You're a fucking model. I'm a fucking model. You're an example. Vrai, je... Merci beaucoup. Joseph, le voisin guitariste, se soucie peu des règles de bienséance. Encore aujourd'hui, il passe chez Anne et Marc sans avoir téléphoné. Il a amené avec lui Sam, le batteur. Puis c'est en parlant la bouche pleine que t'as craché dans le plat de la chienne, ça allait. Yeah! Oh! Viva! mercredis, t'es gratiné pendant le souper. T'auras ton riz de t'en tourner, toi, ta famille si bien élevée. Mangeons du bon. Quand ton couteau que tu t'es coupé la lèvre d'en haut, c'est en ravançant ta fourchette que t'as vomi dans ton assiette. C'est en passant la poivrière que t'as éternué l'en face d'un bœuf. Et c'est en parlant la bouche pleine que t'as craché dans le plat de la chienne. Mangeons du bon ragoût, c'est un quand j'étais petit, pis les leçons de bienséance qui sont venues fucker mon enfance me sont très utiles aujourd'hui pour faire caca pis faire pipi. On m'a fait manger du papier pour que je puisse chier tout enveloppé. Oh. En parlant la bouche pleine, tu peux te cracher dans le plat de la chienne. Ah, je sais, c'est faire, quand même. La poésie urbaine. Je peux chier tout enveloppé. Comme chier sous vide. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du papier pour que je puisse chier tout enveloppé. Je sais, je sais. Et c'est des paroles. Ben, c'est comme un roll-cœur. C'est comme un. Salut tabarnak. En allant reconduire Félix à la porte d'entrée, par réflexe, Anne et Marc jettent un coup d'œil dans la boîte aux lettres. Des circulaires, encore des circulaires. Il est loin, le temps des relations épistolaires. Moi, j'adore les lettres. Moi aussi, j'adore les lettres. J'adore les lettres. J'adore ça, les écrits épistolaires. Ça m'a toujours touché, ça. C'est, puis moi, j'ai reçu un cadeau, en fait, à Noël. Ah bon? Oui, qui s'appelle un livre qui s'appelle Au bonheur des lettres. Alors, y a, c'est un recueil de plein de il y a plein de courriers historiques, sentimentaux, des lettres inattendus, célèbres, de gens célèbres, de gens célèbres. Ah en bon? Fait, des gens qui ont intelligents. Oui, des gens. En tout cas, qui ont fait manifestement des belles lettres. Puis il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des affaires de il y a par exemple il y a la compagnie Campbell qui écrit Andy Warhol par exemple pour dire la canne à soupe là, c'est comme veux-tu décrocher? Ah ben voyons donc. Ou ben donc tu m'envoies un chèque, là, M. Campbell. Y a-tu la réponse d'Andy Warhol? Il dit non, il n'y a pas de réponse. Ah, il n'a pas répondu. Il a fait garde, je suis en vie de mettre des Campbell. Dans le cul. Oui, c'est bon. Ça. Bye bye bon. Yourself. Hey. Yeah, God, you're so long, ça, goodbye. T'as bad. Hey, alors là, puis là, j'aimerais ça t'en lire une juste pour le fun. Elle est un petit peu longue. Je vais l'abréger en cours de route parce que. Mais elle est très touchante. C'est un physicien américain qui s'appelle Richard Feynman, dont la. Un super physicien très célèbre aux États-Unis qui a. Travailler sur la bombe atomique, bon, ça, c'est entre autres choses, okay. Moi, en tout cas. Oh. Et sa femme est morte, sa femme, Arine est morte de la tuberculose à 25 ans. C'était en quelle année? Ça, c'était en 45. Oh. Et là, sa femme... Ah, il était dedans, pas solide. Puis là, sa femme meurt de la tuberculose à 25 ans. Et 16 mois plus tard, il écrit une lettre à sa femme, à sa défunte. Vraiment. Et une lettre d'amour déchirante, vraiment, qui scelle dans une enveloppe, il la cachette, puis elle va juste être découverte après sa mort, à lui. Mais voilà. Ouais. Alors, ça va comme suit. Ma Arline, je t'adore, mon ange. Je sais combien tu aimes entendre cela. Je ne t'écris pas seulement parce que cela te plaît, je te l'écris parce que cela me réchauffe tout au-dedans de te l'écrire. Il y a affreusement longtemps que je ne t'avais pas écrit, presque 2 ans. Mais je sais que tu me pardonneras parce que tu me comprends. Tu sais que je suis une tête de mule et un réaliste et je ne voyais pas quel sens cela aurait de t'écrire. Mais maintenant, ma femme chérie, je sais que je dois faire ce que j'ai trop longtemps ajourné, ce que je faisais si souvent autrefois. Je veux te dire que je t'aime. Je veux t'aimer. Je t'aimerai toujours. Il m'est difficile de comprendre par l'esprit ce que cela signifie de t'aimer après ta mort. Mais je veux toujours prendre soin de toi et t'entourer. Et je veux que tu m'aimes et que tu prennes soin de moi. Je veux avoir des problèmes à discuter avec toi. Je veux faire de petits projets avec toi. Jusqu'à cet instant, je n'avais jamais pensé que c'était possible. Que pourrions-nous faire? Nous avons appris à fabriquer des vêtements ensemble, ou à parler chinois, ou à nous servir d'un projecteur de film. Si je ne peux pas faire quelque chose maintenant, non. Je suis seul sans toi. Tu étais la femme aux idées et l'instigatrice en chef de tous nos plus folles aventures. Durant ta maladie, tu t'es inquiété de ne plus avoir à me donner quelque chose que tu voulais me donner et dont tu pensais que j'avais besoin. Tu n'avais pas à t'inquiéter. Comme je te l'ai dit alors, c'était inutile parce que je t'aimais infiniment, de toutes les manières possibles. Et maintenant, c'est encore plus vrai et évident, tu ne peux plus rien me donner. Pourtant, je t'aime tant que tu m'empêches d'aimer quelqu'un d'autre et que je veux que tu continues à m'en empêcher. Morte, tu vaux infiniment plus que n'importe qui d'autre en vie. Je sais que tu vas me répondre que je suis ridicule, que tu veux me voir pleinement heureux et que tu ne veux pas être un obstacle. Je parie que tu es surprise que je n'ai même pas une petite amie, à part toi, mon cœur, après 2 ans. Mais tu n'y peux rien, chérie, et moi non plus. Je ne le comprends pas car j'ai rencontré bien des femmes et des charmantes et je ne veux pas rester seule. Mais après 2 ou 3 rendez-vous, elles retournent tout au néant. Tu es la seule qui reste pour moi. Tu es réelle. Ma femme adorée, je te chéris profondément. J'aime ma femme. Ma femme est morte. Rich. Et il y a un post-scriptum. Excuse-moi de ne pas te poster ceci, mais je ne connais pas ta nouvelle adresse. C'est-tu assez charmant? C'est plus que charmant. Non, mais charmant dans le sens... C'est-tu assez bouleversant? Oui, c'est bouleversant, c'est le mot. Hein, c'est... Puis c'est quand le... Une espèce de truc, hein, une fois que le deuil est passé, que tu peux t'adresser à... Tu sais, à la personne qui est partie, mais d'une façon qui est pas lourde, qui est plus triste dans le sens de affligeante, mais qui est... Non, qui est pleine de c'est ma lettre préférée du livre, en fait. Ben oui, je comprends bien. C'est vraiment... C'est inspirant en même temps, ça donne espoir quand on entend des choses pareilles de gens qui sont tellement aimés. Mais c'est tellement beau, là. Oui. Il y en a une autre très courte, je sais pas si je peux la lire. Oui, dis-moi tout. Hey, c'est beau, ce livre-là, je l'ai. Ah non, c'était effrayant. Ça, c'est Oscar Wilde qui répond à un... qui répond à un homme qui... parce qu'il avait, édité un livre, il avait écrit un livre, Le portrait de Dorian Gray. Il y a un jeune homme qui lit la lettre, puis qui dit... je vous demande à M. Oral, il dit, je veux juste comprendre la préface, parce que vous écrivez... Tout art est totalement inutile. Puis j'aimerais ça comprendre ce que vous entendez par là. Il s'attendait pas de réponse. Mais Oscar Wilde, il a écrit une courte lettre. Il dit, mon cher monsieur, l'art ne sert à rien, car son seul objet est de créer une humeur. Il n'est pas fait pour instruire, ni pour influencer une action en quelque matière que ce soit. Il est superbement stérile, et la texture de son plaisir est la stérilité. Si la contemplation d'une œuvre d'art est suivie d'une quelconque espèce d'activité, ou bien cette œuvre est de très second rôle, ou bien alors le spectateur a échoué à parfaitement saisir l'impression artistique. Une œuvre d'art est aussi inutile qu'une fleur est inutile. Une fleur s'épanouit pour son propre plaisir. Nous gagnons un instant de joie à la regarder faire. C'est tout ce qui se puisse dire de notre relation avec les fleurs. Bien sûr, l'homme peut vendre la fleur et se la rendre ainsi utile, mais cela n'a rien à voir avec la fleur. Cela n'appartient pas à son essence. C'est accidentel. C'est un détournement. Tout ceci est, je le crains, très obscur, mais le sujet est vaste. Bien à vous, Oscar Wilde. Eh mon Dieu! Hey, ça doit-tu faire plaisir de recevoir ben ça? Ben là, je sais pas. J'imagine que oui, c'est... Mon Dieu, que c'est bien dit! Mon Dieu, que c'est limpide! C'est clair, hein? Aïe, aïe, aïe! Ben, tu sais, ils font ça dans la vie, eux autres. Ouais. Ils écrivent, tu sais. Ouais, ils écrivent, puis ils écrivent. Ben, ça va droit au but, ça hein? Va, c'est comme mon père. On s'en fâche pas nulle part, puis on y va. En quelques lignes, tout a été dit. Oui, c'est ça. Puis il y a quelques heures de réflexion. Mais c'est donc bien beau, c'est vlog. Ah, il y en a plein. Écoute, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Au bonheur des lettres. Au bonheur des lettres. Oui. C'est édité où? C'est édité, édition du sous-sol. Puis il y a des lettres de Dostoïevski, de Groucho Marx qui écrit à Woody Allen. Ben, voyons. Oui, qui dit, coudonc, t'es bien drôle, toi, ça me fatigue, ça m'énerve. Il y a toutes sortes de trucs. C'est un beau cadeau à s'offrir et à offrir aux autres, finalement. Ben oui, puis à se l'offrir à soi-même, parce qu'il y a des lectures, des heures et des heures, puis c'est tout. Il y a des manuscrits, puis il y a, tu sais, l'assassin de Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, qui écrit, qui écrit de la prison, puis qui dit, je m'excuse, je sais pas trop à qui m'adresser, j'ai des disques de John Lennon encore chez moi, et quelques affaires vintage, j'imagine ça vaut quelque chose, ça. Je me demande où est-ce que je peux vendre ça, puis combien j'aurais pour ça. Non, c'est hallucinant, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais il y a ça, des lettres. Le monde est... Le monde est juché de belles lettres. Moi aussi, j'ai des recueils de lettres, des lettres d'amour, là. Ah oui? J'ai des petites lettres ici. Moi aussi, j'en ai apporté. Ce sont des lettres qui parviennent du courrier du cœur de Jeannette Bertrand. Ah, c'est merveilleux. En 59. 59, oui. Ouais. Bon, il y en a une ici. Ça, c'est... Mais je pense que tu vas l'aimer. Ben, j'adore. Ça s'intitule « J'ai le front très haut, très large ». Ça va dans tous les sens, oui. OK. Je suis un jeune homme qui aura bientôt 20 ans. Je mesure 5 et 9, j'ai mauvaise haleine et le front très haut. Ah, mon Dieu. Ah, j'aime ça. Je ne parle pas aux autres, car j'ai peur qu'ils s'éloignent de moi, repoussés par ma mauvaise haleine. J'ai le front très haut, très large. Il recommence. On dit que c'est un signe d'intelligence, mais je vous dis que je m'en fiche pas mal du signe. J'aurais voulu avoir un front bas, c'est-à-dire les cheveux assez bas sur le front et les tempes, comme les ont mes camarades de bureau. Le front haut, ce n'est pas tout. Ah non, les cheveux me tombent abondamment. J'ai l'air d'un chauve, enfin, presque. Je suis très malheureux à cause de cela. Je ne sors jamais, ni aucun ami, ni amie. J'ai honte de moi. Oh. Croyez-vous que Dieu me fasse tomber les cheveux pour me faire savoir que je dois quitter le monde et me faire religieux? Hey, c'est quelque chose, hein? C'est les années 50. Wow. Quelquefois, je me console en me disant que c'est la volonté de Dieu. Mais tout aussitôt après, je retombe dans mes pensées écrasantes, car je pense à mes cheveux et à mon haleine. Et c'est signé « Solitaire malheureux ». Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est un poème, cette affaire-là. Mais comment? Mais en plus d'être affligible d'une mauvaise haleine, déjà. Bien, puis c'est ça, il y a le front haut, puis large. En plus, le front haut. Puis lui, jamais... c'est un front bas qu'il voulait, avec des cheveux sur les tempes. Et Bien, front trop bas, c'est, tu peux avoir l'air d'avoir une frange qui a l'air d'un gros monosourcil aussi. Là, c'est comme pas avoir de tronc. Si bien, exactement. Non, c'est ça. Pas de tronc, pas de jambes. À un moment donné, pas de front. Non, c'est sûr que le texte existe. Avoir un pouce de front, c'est comme. Non, un pouce de front, c'est pas assez. C'est pas assez pour avoir une vie heureuse. Front très haut, peut-être que... Je sais pas. J'essaie de voir c'est qui. On le connaît peut-être. Alors, Jeannette lui répond, oui? « Voyons, vous n'êtes pas le seul à avoir le front haut. Vous faites même partie de la moyenne. Au lieu de voir le doigt de Dieu dans votre calvitie naissante, pensez à ce mot. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pour vous aider, consultez soit une clinique capillaire, soit un dermatologiste, puis regardez vraiment autour de vous. Certes, il y a des garçons aux belles chevelures, mais il y a tous les autres qui, comme vous, vers l'âge de 20 ans, commencent à devenir chauves, oui. Vers l'âge de 20 ans, tout le monde commence à devenir chauve. Ben oui. Regardez-les eux aussi. Et comptez-vous chanceux de n'avoir qu'un front haut. Tant d'autres sont aveugles ou sourds ou laids ou infirmes. Ben oui. On n'a pas le droit. Vu de même, c'est ça que... Hey. Quant à votre haleine... Ah oui, OK, il y a ce bout-là. Il faut consulter un médecin et tuer la mauvaise haleine en prenant régulièrement des pilules de chlorophylle. Il y a des remèdes à tous les maux et les vôtres sont minimes. Allez donc visiter l'hôpital des vétérans où sont les grands blessés, les infirmes, les défigurés. Vous n'oserez plus vous faire de bile pour 4 cheveux envolés au vent. Je vous soupçonne d'aimer être malheureux et de cultiver vos petits malheurs comme des fleurs précieuses. Attention, si vous ne réagissez pas, vous deviendrez neurasthénique. Pensez moins à vous, plus aux autres, ça vous aidera. C'est vraiment la proue de tous les navires, Jeannette. Ben, je le crois. Oui, je pense que oui. Je sais pas si t'as déjà entendu, toi, sur Internet, cet homme qui voulait faire venir son passeport. Et il a reçu une lettre du gouvernement qui lui demande son adresse. Mais il a bien reçu cette lettre à la bonne adresse, pourtant. Et là, il a décidé d'écrire à M. le ministre. Je pense que c'est vague, mais ça fait longtemps, ça, non? C'est ça pas, fait c'est longtemps. Ah oui, ça doit faire 7-8 ans. Mais si c'est le classique auquel je pense. C'est un grand moment. Ouais, okay. Mais il y a plein de gens qui... Moi, je l'ai fait écouter à ma fille dernièrement, puis elle n'avait jamais entendu ça, évidemment. Bon, c'est une petite fleur au vent à être trop jeune. Oui. C'est sûr qu'il y a, un franc-parler qui ne va pas dans la dentelle. Et comme les murs ont des oreilles parfois et qu'on peut toujours nous entendre, j'ai apporté ici... Une petite clochette parce qu'il y a quelques gros mots parfois. Ah oui. Des sacres ici et là, parce qu'il est vraiment à bout. Ah oui. Fait que j'ai traîné ma petite clochette, puis je vais essayer de masquer les vilains mots, les mots un peu trop crus. Oui, oui, oui, c'est ça. Qui pourraient choquer certaines oreilles. Ah, c'est dont très la sienne, sage, peut-être. Ben, non. Je te fais écouter ça sur mon petit laptop ici. Gars, je le parle, là. Vas-y. Va vous lire une lettre que j'ai écrite au bureau des plaintes à Ottawa au premier ministre. Cher premier ministre, je suis en train de renouveler mon passeport, j'en reviens pas encore. Comment se fait-il que Radio Shack a mon adresse, mon numéro de téléphone, et ils savent que j'ai acheté un câble chez eux, un câble pour matinée en 1997, puis que le gouvernement fédéral me demandait encore où je suis né et à quelle date? Si, moi, faites-vous des passeports à mitaine. Ma date de naissance, vous l'avez sur ma carte d'assurance sociale. Sur toutes les sites de déclaration d'impôts que je vous fais depuis 40 ans. Sur ma carte d'assurance maladie. Sur mon permis de conduire. Sur les 8 sacrements de passeport que j'ai eus avant. Sur toutes les petites crises de cartes d'embarquement que j'ai remplies avant de prendre l'avion depuis 40 ans. Et tous les ciboires de recensement que vous faites avant les calvaires d'élection. Quelqu'un peut-tu prendre note une fois pour toutes, asti? Ma mère s'appelle Suzanne, mon père s'appelle Camille, puis ça m'entendrait que ça change avant que je crève, câlisse. Excusez-moi, monsieur le premier ministre, mais je suis pompé en crise ce matin. Entre vous et moi, ça va faire, asti. Vous m'envoyez chez moi, la demande chez moi. Et puis, vous me demandez mon adresse, tabarnak, à vous une gang de mon gars à votre service. Regardez ma photo, asti, j'ai-tu l'air d'un Ben Laden? Je ne veux pas les déterrer, Yasser Arafat, si moi, je veux juste aller me chauffer le cul au soleil, tabarnak. Puis, qu'est-ce que ça veut bien vous causer que je visite une ferme dans les 15 prochains jours, si jamais l'envie me pogne d'enculer une chèvre ou de frencher un assis de poule me prend? Soyez certains que je ne le dirai à personne. Là-dessus, je dois vous laisser parce que je dois aller obtenir un autre assis de copie de certificat de naissance à l'autre bout de la ville. C'est-tu trop compliqué d'avoir toutes les assis de service au même endroit? Mais non, Carlis. Vous aimez mieux qu'on court aux quatre coins de la ville comme des assis de poule pas de tête. Puis, en plus, il faut trouver un assis de bozo qui confirme que c'est bien moi sur la petite photo de passeport où on n'a pas le droit de sourire. Je comprends qu'on risque qu'on ne sourise pas. On est en tabarnak. Ah, il est à bout. Il est à bout. Ah, c'est extraordinaire. Ça a pas l'élégance d'Oscar Wilde, hein? C'est, ben, c'est un autre genre de vocabulaire. Mais c'est, les, mais c'est tout est aussi. Dit là aussi. Mais c'est, oui, fort. Oui, c'est fort, puis c'est dit. Mais il est franchement coloré, ce monsieur-là. J'espère lui, qu'il est formidable. Je ne sais pas si... ça serait merveilleux de l'appeler puis de le retrouver puis de dire où si vous en êtes avec votre toast oui. De passeport. Maintenant, peut-être ce serait qu'on fun. Vit. Peut-être si on pouvait lui parler. Je sais pas si peut-être peut, qu'il viendrait un jour. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval sur ICI Radio-Canada Première, pas besoin de passeport pour voyager. Alors, on s'en fait une. On s'en fait une. Ah oui, dis donc. Ah ouais, allez donc. C'est la seule fille ici. Il y a assez de filles, là. Salut les garçons. Ah, c'est petit bateau sur l'eau du Pacifique. Dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. À bord, il y avait le matelot et le vieux capitaine. Cinq passagers partis sur l'eau pour 3 heures à peine. Pour 3 heures à peine. Là, c'est tonnerre. Le vent se lève au large, un orage imprévu. Sans le secours de l'équipage, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Sur les bords d'une île inconnue, ils se sont retrouvés. La guilligame, le capitaine, le millionnaire, son épouse, la lodista et leurs amis sur l'île de Guilligame. Ça, c'est une belle fin. Ça, c'est une belle fin. Ça, c'est une belle fin. On a envie de... C'était propre. Oui. Le vaudou a toujours piqué la curiosité de Marc. Après avoir calé quelques petits punchs, il a trouvé le courage d'inviter à la maison deux splendides prêtresses vaudou. Anne aurait aimé préparer des acras de morue, mais elle n'a pas trouvé de recette. Dans leur grande robe blanche, la belle déesse junior et sa jeune nièce Diana sirotent une limonade avec Anne et Marc. Là, vous avez la cloche. Ordinairement, je jetais de l'eau ici, ici et ici, puis je la demande qu'est-ce que je veux. Ah ouais. Alors là, c'est, ça se passe à peu près toujours comme ça. C'est pas plus long que ça. Pour, vous levez debout, vous tournez. Pour saluer ouais, l'esprit. Pour... Oui. Puis c'est comme si vous l'annoncez que vous avez besoin de sa présence. Là, je sais pas comment. Je suis très impressionné. Ben parce... moi aussi, parce que oui, on n'a pas l'occasion souvent de parler de ce sujet-là non. Déjà, le vaudou. Oui. Avec des vrais prêtresse haïtienne de génération en génération. Exactement. Et votre nom, c'est Belle Déesse, la Belle Déesse Junior. Oui. Donc, votre mère, c'est la Belle Déesse Senior. Puis avant ça, c'est quoi? Et c'était mon grand-père. Oh! Et vous, donc, vous pratiquez depuis la naissance? Oui, je suis née dans le Vaudou, mais j'ai commencé à travailler avec ma mère, j'avais 15 ans. Mais comment ça se transforme? Parce que ce sont des pouvoirs que vous avez, c'est une sensibilité particulière. Comment une mère peut transmettre ça à sa fille? Ça se peut que quelqu'un n'ait pas de talent, peut-être, dans le Vaudou, naisse... En réalité, ce n'est pas ma mère qui le transmet. C'est les esprits qui vont choisir qui va continuer la tradition. OK, donc ça ne se transmet pas nécessairement de mère en fille? Ou non, de... je peux être la fille de ma mère. Si les esprits ne m'ont pas choisi, je ne peux rien faire. Comment vous savez qu'on vous a choisi? Ouais. Quand j'étais tout petite, il y a un esprit qui est venu qui a dit que j'étais la fille de l'esprit qui s'appelle Ezuli Dantor. Alors, j'étais tout petite. Alors, depuis que j'étais tout petite, je le sais. Puis, mais comment? Vous entendez des voix? Elle me parle, oui. Je peux l'entendre, oui. Et là, à partir du moment où vous savez que vous avez été choisie, oui. Est-ce qu'il y a, là, il y a une initiation qui commence, que votre oui, mère la est... première chose qu'elle a fait, elle a fait une lavée de tête. Pardon? Ah bon? Une lavée de tête. C'est quoi? Pourquoi? Lavée de tête, c'est une cérémonie qui sont faites avec des feuilles, okay. Avec des parfums pour les esprits. OK. Parce que la tête, c'est comme une tente. Ah, OK, laver la tête. Exactement, okay, c'est pour préparer la tête pour l'esprit, okay. Pour que l'esprit s'installe normalement. Alors, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir la tête lavée spirituellement. Oui, spirituellement. Et ça se passe comment? Ça, c'est donc c'est un rituel, c'est comme une messe? Ça se passe en forêt? Ça fait à la maison. Okay. On prépare tous les desserts, toute la nourriture et toutes les boissons pour les esprits. Puis, elle prépare le lit tout en blanc. Puis, elle m'installe. Puis, elle a commencé par laver ma tête avec différentes chansons. Puis, ça se fait qu'en lavant ma tête, l'esprit peut venir sur ma mère. OK. La première fois que j'ai eu l'esprit sur moi, j'avais 15 ans. Puis, c'était une expérience qui était vraiment différente parce que quand l'esprit venait sur moi, j'entendais plus rien, puis je voyais plus rien. Puis j'étais vraiment peur. Puis je ne savais pas quoi faire. Puis après un nombre de temps, quand j'étais de retour, puis je disais à ma mère, « Alors c'est comme ça que tu te sens quand t'as l'esprit. Tu ne vois rien, puis tu n'entends plus rien, puis je ne sais plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que tu le sentais? » Puis elle dit, « Oui, c'est comme ça. » Puis je me disais, « Bon, ben c'est spécial. » Mais en même temps, je ne peux pas être comme toutes les autres enfants. Est-ce que l'esprit peut venir n'importe quand sur vous? Est-ce que vous choisissez, vous l'appelez? Si on l'appelle, oui. Et si j'ai des problèmes, si j'ai quelque chose qui va m'arriver, puis c'est eux autres qui doivent me sauver, ils vont venir. Donc, ce sont toujours des esprits bienveillants? Oui, ce sont mes protecteurs. Ah, OK. Ben, ça, c'est rassurant, ça. Oui. Moi, j'aimerais juste ça, qu'on parle des poupées vaudou, parce que c'est à peu près la seule chose qu'on croit connaître, là, du vaudouisme, des poupées avec des petites aiguilles pour se venger de quelqu'un qui est au loin. Et puis, est-ce que vous pratiquez ça souvent? Est-ce que tout le monde a des poupées vaudou? Je vais vous dire quelque chose. Dans le vaudou haïtien, nous autres, on ne pratique pas les petites poupées avec les épingles. On ne le fait pas. C'est quelque chose qui a été créé à New Orleans pour les touristes. Parce que pour les touristes? New Orleans, c'est la seule state... Alors, c'est le seul, le seul État qui pratique le vaudou comme Haïti. Parce qu'ils sont les descendants des esclaves haïtiens qui étaient là-bas. Alors, à Mississippi et New Orleans, c'est comme s'ils étaient des Haïtiens. Okay. Alors, c'était quelque chose pour Hollywood et pour les touristes quand ils viennent, pour avoir quelque chose pour apporter à la maison, pour dire qu'on était à New Orleans, puis on a acheté une poupée. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans le vaudou. Personne n'utilise ça. On n'utilise pas le poupée ou des épingles. Si on avait des pouvoirs, imagine-toi, si c'était facile pour avoir des pouvoirs, pour contrôler une personne par un poupée, ça sera trop. On pourrait faire trop de choses avec ça. Ben, c'est bien sûr. Donc, c'était vraiment Ça a été créé de toutes pièces. Un truc charlatan, juste pour Hollywood, c'est tout. On n'a pas le pouvoir de prendre un poupée, puis je vais dire, OK, ça, c'est Tayana. Je ne veux plus voir Tayana. Elle est méchante. On n'a pas ce pouvoir. Ben non. On n'a pas ce pouvoir. Et nous autres, les Haïtiens, dans le vaudou, alors le vaudou pur. On ne peut pas faire du mal à personne. Okay, même des animaux, puis, excuse-moi, ben Marc, non, ben non, les égorger une petite bête, puis retirer son sang. Pour ça, faire... c'est les sacrifices qu'on fait. C'est le peu de choses qu'on peut donner à l'esprit en retour à tout ce qu'il fait pour nous. Alors, tout le monde mange les poulets et tout. C'est rien de différent. C'est juste que l'esprit lui-même, il vient pour prendre la force de cet animal. C'est tout. Quand on a besoin de quelque chose, comme dans la terre, c'est juste dire, OK, j'aimerais travailler pour avoir une maison. Puis si je vais avoir cette maison pour cette année 2016, je vais faire une offrande à Ezuli Dantor. Ben, si j'ai la maison pour l'année, je vais donner un cochon à Ezuli Dantor parce que je lui ai demandé quelque chose, elle me l'a donné. Alors moi, je lui donne quelque chose à part. En retour, oui. OK. Et là, comment vous entrez en contact? Est-ce que vous avez chacun ou chacune des méthodes particulières ou tout le monde utilise à peu près les mêmes méthodes pour entrer en contact? Non, je pense que c'est différent pour tout le monde. OK. Oui. Vos enfants ne pourraient pas comprendre ça s'ils sont pas... Elle peut le comprendre parce qu'elle est votre initiée. Votre nièce. Oui. Mais les autres qui ne sont pas initiés, non, ils ne peuvent pas comprendre. Mais comment... c'est Tayana. C'est ça. Bonjour. Vous êtes initiée. Comment... ça s'est fait un peu comme vous, parce qu'elle a senti qu'elle avait été choisie par un esprit. Mais elle a commencé, elle avait 4 ou 5 ans. Elle était vraiment jeune, oui. Elle était toujours intéressée de tout ce qu'on fait. Elle était toujours là. Elle avait un esprit spécial qu'elle voulait savoir de cet esprit-là. Puis c'était la sirène, c'est la reine de la mer. Ouais. Puis la première chanson qu'elle a apprise, c'était ça, qui était la sirène. Alors c'est ça, c'est cet esprit-là qui l'a réclamé. C'est la sirène. Ça, c'est votre... Esprit protectrice. OK, d'accord, OK. OK. Puis il y a une chanson qui vient avec elle. Oui. OK. Que quand vous vous adressez à elle, vous le faites en chantant? Oui, c'est ça à chaque cérémonie, si on veut s'adresser à la sirène, il y a une chanson spéciale dédiée à elle. OK. Est-ce que c'est possible de l'entendre, la chanson de la sirène? Bien sûr. Valérie. C'est-tu possible? Oui, c'est possible. J'aimerais ça. Elle est très courte. OK, parfait. Juste vous dire. La sirène, la baleine, Japon tombé dans la mer. La sirène, la baleine, Japon tombé dans la mer. Va faire l'amour à la sirène, Japon tombé dans la mer. Va prendre câlin à la sirène, Japon tombé dans la mer. La sirène, la baleine, Japon tombé dans la mer. La sirène, la baleine, Japon tombé dans la mer. Alors, si vous suivez... C'est tellement joli, c'est tellement est-ce que vous voyez la différence dans le ton de sa voix quand elle chantait, le changement dans le bas, elle tremblait de temps en temps. Oui, c'est mais moi, je pensais que c'était de la nervosité. C'est l'émotion de l'esprit. Quand elle chantait, c'est comme elle appelle l'esprit. Alors, quand elle chantait, l'émotion... Regarde son cœur, ça bat un peu plus fort. Oh, mais ça, ouais, c'est mais pas ça... une nervosité normale quand non. On est en présence de gens qu'on connaît pas? Non. Et vous, c'est comme ça aussi, avec toute l'expérience que vous avez, quand vous si faites je commence ta chanson, à chanter la chanson pour, il va avoir un tremblement comme ça? Oui, ça va, parce qu'au moment que je chante, puis ça commence à changer, puis c'est comme elle l'entend, puis elle veut venir, puis je peux la sentir, puis c'est comme je commence à changer, puis je peux, à un moment donné, je ne peux pas la contrôler, puis elle prend le contrôle au complet. C'est la chanson qui appelle les appels. Oui, mais c'est la musique, hein, c'est fou. Exactement. On ne peut pas juste faire une prière en parlant, ça prend une musique. Il faut chanter, puis on doit chanter jusqu'à ce que l'esprit vienne. Et est-ce que ça peut être très, très long, parfois? Est-ce que ça dépend du niveau de concentration? 7 à 10 chansons pour un esprit. Comment? Ouais. Excusez-moi. Des fois, on peut chanter de 7 à 10 chansons pour un esprit. Oh! Okay. Mais quand vous n'êtes pas en consultation, vous vous promenez comme là, bon, aujourd'hui, vous êtes ici, est-ce que vous voyez des choses chez nous, que chez Marc ou chez moi, qu'on ne voit pas nous-mêmes parce qu'on est inconscient puis qu'on est deux amis en public? Parce qu'on est deux imbéciles. Pas très intelligent non plus, super attachant, mais pas vite, vite, on va se le dire. Ben, je veux dire que lui, il aime ça rire, il est comme un comédien. Il aime ça être, il aime ça d'être content, il aime ça, vous aimez pas avoir les problèmes. Ah non. Ah, ben, moi, j'aime ça avoir des problèmes. non, c'est pas ça, c'est juste que je parlais de lui. Oui. C'est vrai que j'aime pas les problèmes. Ben ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, quand t'as une journée qui est pleine de problèmes, c'est pas une bonne journée. Mais essaies toujours de changer ça parce que tu aimes ça, être en harmonie avec la paix. Oui, ça, c'est très vrai. C'est très positif. Mais ça c'est très positif. Donc, merci. Il y a une belle aura, il y a une aura chaude, colorée, on veut... Oui. Est-ce que vous voyez des couleurs pour vrai? Des couleurs? Autour de nous. Des auras, des... Est-ce que vous voyez... Non. Un petit fuchsia tranquille, non. Ça, on ne voit pas ça. Non. Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, j'aurais dû me taire. Et pour c'est la gentil. Madame... Oui, oui, oui, ben oui, Anne, qu'est-ce qui arrive avec Anne? Elle est quelqu'un de très sincère. Si elle dit « je suis avec vous, je suis avec vous », quand elle dit non, non, c'est non. Et ah, ça, c'est juste. Oui, c'est comme ça, vous êtes comme ça. Ah, pourtant, j'ai pas parlé tant que ça. J'avais une voix douce, hein, j'avais pas l'air. Ah, mais quand non, tu mais sinon, l'affaire, c'est que je le sens. Ah, oui. Ah, on le sent, ça, que quand tu. Vous sentez tout ça. Oui. Puis là, eh boy. Avant de venir ici, j'ai demandé pour être bien relax, pour m'aider avec le français que j'ai. La mais difficulté il est très bon, français. Bon. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il est formidable, votre français. Oui, alors j'ai demandé de l'aide pour le français, pour que je parle le français un peu plus mieux, puis pour que je sois confortable. Oui, j'ai puis relax, ça. Puis tout ça. Ça c'est super. Ouais. Et les attivants aussi qui sont super. Les attivants ou un verre de scotch, ça aussi, ça marche aussi. Tout est bon, mais... Non, c'est mieux de le faire naturel. Oh, oui, ben oui, non, là, je fais des blagues. Si je prends des attivants comme les affaires comme ça, c'est pas bon parce que je ne peux pas communiquer avec les esprits. Parce que si c'est fort, automatiquement, le contact avec l'esprit, parce que les esprits, ça, ils habitent dans votre tête. Mm-hmm. Puis on ne peut pas avoir une communication très claire si je suis saoul ou... Ben non. C'est ça. Parce qu'il y a 401 esprits. Il y en a 401? 401 esprits. Alors, ça veut dire... Comment vous savez qu'il y en a 401? Ben oui, c'est 401. Ah oui. Là, vous êtes rendu à 401 esprits oui. qui sont alors, capables de visiter. C'est difficile d'en avoir 401 esprits dans notre tête. Ben, je comprends. Alors, c'est pour mêlant. Ça, ils peuvent venir de temps en temps, de temps à autre, quand ils veulent. OK. Oui. Est-ce que ça se peut être des gens, mettons, comme Marc et moi, là? Oui. Est-ce qu'on pourrait être initié et devenir nous-mêmes un catalyseur là, pour rencontrer des esprits ou c'est réservé qu'à... On soit choisi, j'imagine. On est, je ne peux pas dire, oh, viens, je vais vous initier. Il faut être choisi par les esprits. Si vous n'êtes pas choisi, je ne peux rien faire. Parce que je ne peux pas transférer les esprits dans votre tête. Si vous n'êtes pas né comme ça, je ne peux rien faire. Mais, ouais. Est-ce qu'on peut pratiquer le vaudou ailleurs que les Haïtiens? Mais les esprits ne viennent pas sur votre corps. Mais moi, est-ce que je peux devenir un vaudou québécois, un prêtre vaudou québécois? J'ai des enfants spirituels qui sont des blancs, oui. Moi, je pourrais-tu être visité par Marguerite Bourgeois ou le père de la Sablonnière? Est-ce que vous êtes né au Québec? Moi, je suis né au Québec. Je suis né à Montréal. Exemple, qui est le patron de Québec? Ah, ben c'est une bonne question. Le patron du Québec. Le patron du Québec, oui, c'est Régis Labeaume. C'est Saint-Jean-Baptiste. Ah, c'est Saint-Jean-Baptiste. 24 juin. C'est vrai. Le petit les magasins, toutes les choses sont fermées. Oui. Merci. Saint-Jean-de-Baptiste est un esprit. On sert Saint-Jean-de-Baptiste. Ah bon? Alors, si vous êtes un Québécois, la première esprit à servir, ça sera Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean pourrait venir me voir. Exactement. C'est très éclairant. Je suis contente parce que j'ai appris plein de choses grâce à vous. Puis bonne chance, longue vie, bonne santé. Aïe, bobo. Ça veut dire allez au revoir. Allez en paix. Oui, c'est ça. Aïe, bobo. Aïe, bobo. Aïe, bobo. Sur la fameuse table à café rapportée du mémorable voyage à Marrakech, traîne des piles de vieux CD, dont l'intégrale de Gainsbourg. La la la la la la. Yeah, yeah. Il y avait une espèce de naïveté aussi, France Gall, quand elle chantait ça. Elle avait une petite surette. Puis elle a traité Gainsbourg de vieux cochon. Ben oui, je comprends pas franchement. Pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle était quand même, elle avait pas 5 ans, là, quand elle a chanté Les Sucettes. Elle devait bien se douter de quoi ça parlait, voyons. Oui, c'est ça. Mais c'est-tu vrai, ça? Ben non. Mais c'est intelligent, France Gall. Ben oui, c'est ce que je pense. Voyons. On va l'appeler, puis on va lui demander. On peut toujours bien. C'est 011-33, hein? Je l'ai pas par cœur comme ça. Je pense que c'est 011-33. Sur mon téléphone, je regarderai. Toutes les Français, c'est 011-33. Les sucettes à la nid. Les sucettes à la nid, Dani. Donne à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nid coule dans la gorge, Dani. Elle est au paradis. que Penny Annie a ceci, c'est à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des gens heureux. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'Annie. Ses baisers, un goût anisé. Lorsqu'elle n'a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pennies. Annie a ses sucettes à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des gens heureux. Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Aïe. Pris d'un soudain élan sportif, Marc et Anne décident de se dégourdir les jambes. Marc fouille dans le placard à la recherche d'un jeu qui pourrait apaiser leur soif d'émotions fortes. Oh, j'y vais-tu? Oh, je vais essayer de... Mais là, toi, tu bloques mon 500. Ben, c'est parce que... Ah, bon, ben, je suis comme une grosse coulisse de marbre. Vas-y donc. Ben, ça fait du bien. Vas-y. Hey, ça fait du bien de faire du sport quand même. Ben, moi, oui, puis un petit jeu de poche, c'est toujours d'adon. C'est toujours d'adon. Moi, la ça, poche, puis j'aime ça tâter ça, hein. C'est une belle poche ben, de c'est pas ça, c'est de la vieille poche. Ah, parce c'est que la, ça. La le vieille poche est plus utilisé. Lourde. Oui. Que la jeune poche. Le robage est un peu mou. Oui, c'est ça, c'est mou, puis ça, c'est ça a été manipulé. C'est agréable à toucher, mine de rien. Ben, oui. Tu sais. Oh! Hey, direct dans le 300. Oui, direct dans le 300, mais tu sais... Regarde, moi, ma petite poche, c'est petite. Ben oui, toute petite poche. Oh! Petite poche d'Andy June. Ben oui, mais moi, j'ai... Une poche de Saint-Lambert. Ben oui, mais c'est pas juste ça. Non, non, mais c'est de la grosse vieille poche sale. Pardon. Ben, elle est bien plus remplie. Ben oui. Bien plus lourde que la mienne. Oui, plus lourde que la tienne. Attends, on va faire moitié-moitié. Tu veux qu'on change de couleur? Parce que là, non, on va pas changer de couleur, mais... moi, je veux lancer cette grosse poche-là. OK, attends, vas-y. Lance la grosse. Oh! Ah, mon Dieu! Hey, quasiment. T'as calé le fourchon sur le 300. Ouais, mais c'est parce que... T'as appuyé sur ta grosse poche de tantôt. Sais. J'ai envoyé ta petite, là. Je te dis, tu vas l'envoyer. Ah, non, tu vois. Tu vois, ça veut rien dire. Alors, les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés. Oh! Ouais, t'es bon! Mais non, mais c'est parce que... Oh, wow! Mais toi, tu fais beaucoup de sport. Non, mais j'ai été pensionnaire, moi. Oui. Ah, mais ça à moitié. Ça, ben, ça elle est dedans, elle bouche le trou. Oh! Oh! Hey, 500, direct on the spot. Tiens, hey, j'ai envie de la lancer de même. Ah, je suis tellement enragée. Tu lèves toutes tes forces. Hein? Ouais, vas-y. Ben, non, je vais le faire comme ça. Comme... Ah, je vais essayer de viser le 200. Vas-y, fort. Vas-y, fort. Fort, là. Ah! Hey, tu vois, je suis direct dans 75. Hey, c'est sûr, ça. Ow! Ben, voyons, Marc. Ouais. Hey, on n'a plus de poches. On n'a plus de poches, mais ils sont toutes rentrées. Mais t'es fort. Ben, non, mais là, t'es très en forme. Ben, ça fait du bien de faire du sport. C'était le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Pour réécouter les plus beaux jours de la vie de Anne et Marc, rendez-vous à ici.radio-canada.ca/le plus beau jour.